Le chat charmant. Chauves, Chesta, Juventude, Chavarin, le chat charmant. Chaud, chocolat, cochon, château, le chat charmant. Les chaussettes de l'archiduchesse sont bien sèches, archi-sèches. Répétez. Un chocolat chaud, s'il vous plaît. Il fait chaud ici. Tu es charmant, mon chouchou. Attention. Je t'aime chez toi. Âge, H. Jambe, chambre. Répétez. Je t'aime chez toi. Âge, H. Jambe, chambre. Répétez. Au chauves fichemos judías con chamon. J'adore le chocolat chaud. Marusha veu chantar junto a mim. Viens chez moi chanter une chanson. À bientôt.